Les esclaves de Paris par Émile Gaboriau. Deuxième partie, le secret des champs d'os. Chapitre 1er. Quand, de Poitiers, on veut se rendre à Loudun, le plus court est encore d'aller retenir une place à la diligence qui fait le service entre le chef-lieu du département de la Vienne et Saumur, la plus coquette des cités qui se mirent au flot bleu de la Loire. Le bureau de ces diligences est à deux pas de l'Hôtel de France, entre le restaurant du Cocardi et le café Castille. Un employé fort poli y reçoit les voyageurs. On lui donne 5 francs d'art, et en échange il garantit une bonne place de coupé pour le lendemain matin. Surtout, recommande-t-il, arriver à 6 heures très précises. Le lendemain donc, on se fait tirer du lit dès l'aurore, on s'habille en deux temps, et on arrive au pas de course. Hâte inutile. Tout dort encore dans le bureau, à l'exception d'un garçon, juste à s'éveiller pour répondre une grossièreté aux questions qu'on lui adresse. S'indigner, à quoi bon? En face, un débit s'ouvre où on vend du café au lait, mieux vaut s'y réfugier. Ce n'est guère que 25 minutes plus tard que le buraliste se monte, bâillant à se démettre les mâchoires. Presque aussitôt, le conducteur apparaît, sacrant, donnant des ordres, jurant que jamais il n'a été si en retard. Vite, on tire de la cour la vieille diligence qui sonne la ferraille. Le postillon et un palefrenier surviennent, traînant par leur longe les 3 chevaux endormis. On attelle, et les facteurs hissent sur l'impérial les bagages et les colis. « En voiture !» crie le buraliste. « En voiture !» Fausse alerte. Pas un des voyageurs de la ville n'a montré le bout de son nez. On attend M. de Rocheposay, qui demeure rue Saint-Porchère, Maître Nadal, qui habite près de Blossac, et aussi M. Richaud, de Loudun, venu la veille pour ses affaires, est descendu à l'hôtel des 3 piliers, et d'autres encore. Un à un, ils se présentent, se hâtant lentement, portant force aux boîtes dont ils embarrassent les compartiments. Enfin, le compte y est. 7h30 sonne, le conducteur lâche un dernier juron, le fouet du postillon claque, on part, on est parti. C'est au galop de ces roses fourbues que la voiture descend les rampes de la ville. Elle traverse comme un trait le pont du Clin, elle brûle le pavé du faubourg, elle atteint la grande route et les chevaux emboîtent le trot somnolent qu'ils garderont jusqu'au relais. Sur l'impérial, le conducteur bourre sa pipe. « Bon voyageur, penchez-vous la portière pour regarder le paysage. Regardez, voici le Haut-Poitou, tout entrecoupé de plaines fertiles, de vastes pâturages et de grandes forêts. Les vallées succèdent aux vallées et à perte de vue se déroulent les champs à la terre rougeâtre, plantés çà et là de châtaigniers, dont les branches pendent jusque sur les sillons. Regardez, voici les landes et les taillis de biverons. Si le gibier foisonne, c'est que leur propriétaire, le comte de Mussidan, n'y a pas tiré un coup de fusil depuis qu'il eut le malheur de tuer à la chasse un de ses domestiques, il y a de cela 23 ans. Le château de Mussidan est plus loin, sur la droite. Il y aura 2 ans, à la Noël, que la douairière de Chevancher, une rue des braves femmes, disent les paysans, y est morte, en laissant tout son bien à sa nièce, mademoiselle Sabine. De l'autre côté de la route, on aperçoit, à demi caché par ses hautes futaies, le haut castel de Sauvebourg. Un des artistes aimés de François Ier a sculpté ses balcons et entouré ses fenêtres de guirlandes précieuses respectées par le temps. Plus loin, enfin, au sommet d'un coteau aux pentes raides, comme une forteresse sur un roc, apparaît une masse imposante de constructions anciennes. C'est le vieux manoir de Chandos. Rien de triste comme cette immense habitation, jadis une des plus magnifiques du Poitou. Abandonnée, oubliée de ses maîtres depuis un quart de siècle, elle va, perdant de jour en jour de sa valeur, tombant en ruine. Déjà, l'aile gauche est à demi écroulée. Les tempêtes ont emporté les toitures et les girouettes. La pluie et le soleil ont émietté les contrevents, dont les ferrures pendent misérablement le long des murs lézardés. Là, vers 1840, vivait avec son fils unique, l'héritier d'un des noms illustres de France, César Guillaume de Dompère, duc de Chandos. Dans le pays, il passait pour un original. On le rencontrait par les chemins, vêtu comme le plus pauvre des paysans, portant une méchante veste rapiécée, coiffée d'une casquette de cuir à oreillettes, les pieds dans d'énormes sabots, invariablement armés d'un gros bâton terminé en fourche. L'hiver, il jetait sur ses épaules une peau de bique toute pelée, dont n'eût pas voulu le dernier des toucheurs de bœufs. C'était alors un homme de 60 ans, d'une puissante carrure, d'une force herculéenne, bâti à chaux et à sable, un des survivants de la grande génération de 89, dont la robuste constitution suffisait à tous les travaux comme à tous les excès. Son regard seul trahissait une volonté de fer comme ses muscles. Il avait, sous ses gros sourcils en broussailles, de petits yeux d'un gris clair qui devenaient absolument noirs lorsqu'il s'irritait et que le sang affluait à son cerveau. Quand il servait à l'armée de Condé, un coup de sabre lui avait fendu la lèvre supérieure et la cicatrice donnait à sa physionomie une expression terrible de dureté. Il n'était pas méchant, cependant, mais d'un entêtement qui touchait à la folie, d'un despotisme odieux et d'une violence extraordinaire. Heureusement pour ceux qui l'entouraient, trois jurons indiquaient le degré de sa colère. Mécontent, il disait « Jarni coton ». Irrité, il criait « Jarni Dieu ». Jusque-là, rien à craindre. Mais quand de sa puissante voix il hurlait « Jarni tonnerre !», il était bon de se mettre prestement hors de portée de son bâton fourchu. On le redoutait extrêmement. C'est avec un respect mêlé de crainte qu'on se découvrait sur son passage, le dimanche, lorsque, suivi de son fils, il traversait le bourg de Biveron pour se rendre à l'église où il avait un banc, le premier, devant le chœur. Tant que durait la messe, il lisait à demi-voix dans son gros paroissien où accompagnaient les chantres. À la quête, il donnait régulièrement une pièce de 5 francs. Cette offrande hebdomadaire, le prix d'un abonnement à la Gazette de France, 5 écus par an qu'il octroyait au barbier qui venait le raser 2 fois la semaine, constituait toute sa dépense personnelle. Ce n'est pas qu'on vécut mal chez lui. Volailles dodues, gibier, légumes savoureux, fruits exquis abondaient. Mais rien, jamais, ne paraissait sur sa table qui n'eût été récolté ou tué sur ses domaines. La viande de boucherie en était sévèrement exclue parce qu'il faut la payer. Fréquemment invité à des dîners ou à des fêtes par les châtelains du voisinage, qui, bien qu'il pût faire, le considéraient un peu comme leur chef, il refusait régulièrement, disant qu'un gentilhomme ne saurait accepter sans rendre et que rendre coûte de l'argent. Certes, ce n'était pas la pauvreté qui contraignait le duc de Chandos à cette sévère économie. On lui connaissait, tant dans le Poitou que dans l'Angoumois et dans la Saintonge, pour plus de 1 200 000 francs de terre au soleil, sans compter la forêt de Chandos, qui, habilement aménagée, rapportait bon an mal an de 8 à 10 000 écus en sac. On prétendait encore, et on avait raison, que sa fortune en portefeuille dépassait sa fortune territoriale. Naturellement, on le taxait d'avarice, en quoi on se trompait. Il n'était pas avare dans le sens qu'on attache à ce mot. Cet entêté gentilhomme poursuivait simplement l'exécution d'un plan longuement médité et fortement arrêté. Son passé pouvait, jusqu'à un certain point, expliquer sa conduite. Né en 1780, le duc de Chandos avait émigré et servi dans l'armée de Condé. Ennemi implacable de la Révolution, il habita Londres tant que dura l'Empire, réduit, pour vivre, à donner des leçons d'escrime. Revenu en France avec les Bourbons, il dut à un prodigieux hasard d'être remis en possession d'une portion des immenses domaines de sa maison. Mais qu'était cette portion pour lui? Rien. Comparant la richesse présente à l'opulence princière de ses aïeux, il se trouvait misérable. Pour comble de douleur, à côté de la vieille aristocratie, oisive et énervée, il voyait surgir du commerce et de l'industrie une aristocratie nouvelle, jeune, ambitieuse, remuante, fière de ses richesses, fatalement destinée à enlever à l'ancienne son influence et jusqu'à son prestige. C'est alors que cet homme, que l'orgueil de son nom exaltait jusqu'au délire, conçut le projet auquel il devait consacrer sa vie. Il crut découvrir un moyen de rendre à l'antique maison de Chandos sa splendeur et sa puissance passée. 3 ou 4 générations devaient se sacrifier au profit de la postérité. Ainsi, se disait-il, je puis, en vivant comme un paysan, en me refusant toute satisfaction, tripler en 30 ans mes capitaux, que mon fils m'imite, et dans 100 ans, les ducs de Chandos reprendront, grâce à une fortune royale, le rang auquel leur naissance leur donne droit. Vers 1820, fidèle à son plan d'enrichissement, il épousa, bien contre son inclination, une jeune fille aussi laide que noble, mais bien dotée, et il vint avec elle s'établir au château de Chandos. Cette union ne fut pas heureuse. On alla jusqu'à accuser le duc de brutalité inouïe envers une jeune femme incapable d'admettre ses idées, et qui ne pouvait comprendre que l'homme auquel elle avait apporté 500 000 francs lui refusa une robe dont elle avait besoin. Pourtant, après 1 an de ménage, elle lui donna un fils baptisé sous le nom de Louis Norbert. Mais 6 mois plus tard, elle mourait des suites d'une frayeur que lui avait causée son mari. Loin de s'affliger de cette mort, le duc intérieurement s'en réjouit. Il avait un héritier bien constitué, robuste, la fortune de la mère était acquise à la maison de Chandos, que lui importait le reste. Même son veuvage fut le prétexte d'économies nouvelles. Il condamna tous les étages supérieurs du château et adopta définitivement le costume comme les mœurs des métayers, ses voisins. Faisant valoir lui-même, l'œil ouvert au moindre détail d'une immense exploitation, il ne se ménagea plus. Levé avant le jour, il suivait ses ouvriers aux champs et travaillait comme eux. Puis il courait les marchés et les foires pour vendre ses grains et ses bestiaux, âpre aux grains comme le paysan, qui ayant épousé la terre, la voudrait tout entière pour lui seul. Son fils, il ne s'en occupait que pour se demander s'il serait assez robuste pour continuer l'œuvre. Norbert était élevé comme les enfants des fermiers, ni mieux ni pire. On le laissait errer en liberté le long des haies, se rouler sur la litière, barboter au bord des mares, pieds nus l'été, l'hiver chaussé de galoches garnies de paille. Quand il eut 9 ans, son éducation rurale commença. Tout d'abord, il garda les vaches dans les pâtures ou sur la lisière des bois, armé d'une grande gaule pour empêcher les bêtes d'aller brouter les jeunes pousses. Il partait au jour, avec la pitance de la journée dans un panier pendu à l'épaule. Puis, successivement, à mesure qu'il avança en âge, il apprit à tracer un sillon profond et droit, à faucher, à semer à la volée, à évaluer d'un coup d'œil le rapport d'une pièce de terre, à soigner l'enfle et la clavelée, enfin à débattre un marché. Longtemps, le duc de Chandos avait hésité avant de faire apprendre à lire à son fils. Puisqu'il prétendait le condamner à la rude vie des gens de la campagne, à quoi bon? D'un autre côté, l'homme qui ne sait pas au moins lire, écrire et compter ne saurait mener à bien une lourde exploitation. S'il s'était décidé par l'affirmative, c'est que certainement il avait été influencé par les observations du curé lors de la première communion de Norbert. Cependant, tout alla bien jusqu'au jour où Norbert eut 16 ans, ou plutôt jusqu'au jour où son père le conduisit pour la première fois à la ville, c'est-à-dire à Poitiers. À 16 ans, Louis Norbert de Chandos en paraissait 19, et était bien le plus bel adolescent qu'on puisse imaginer. Il avait cette physionomie pensive des humbles travailleurs de la terre, accoutumés à vivre seuls, repliés sur eux-mêmes, face à face avec la nature. Le hâle donnait à son teint la richesse de ton des vieux bronzes. Il avait les cheveux noirs, légèrement ondulés, et de grands yeux bleus mélancoliques, les yeux de sa mère. Pauvre femme, c'était sa seule beauté. Les durs travaux auxquels il était astreint avaient donné à ses muscles une rare vigueur, sans pourtant altérer l'élégance de sa taille, et ses mains, sous leur callosité, gardaient une rare perfection de forme. C'était d'ailleurs un parfait sauvage. Tenu par son père dans la dépendance la plus étroite, il ne s'était jamais éloigné d'une lieue du château. Pour lui, le bourg de Biveron, avec 60 maisons, sa mairie, sa petite église et sa grande auberge, était un séjour de délices, de tumulte et de bruit. Il n'avait pas en sa vie parlé à 3 étrangers, et les nombreux ouvriers qu'employait le duc de Chandos le redoutaient bien trop pour oser prononcer devant son fils un mot capable de l'éclairer ou de le faire réfléchir. Ainsi élevé, Norbert ne pouvait concevoir une existence autre que la sienne. S'éveiller au chant du coq, travailler jusqu'à la nuit courbé sur le sillon, dormir à point fermé après un bon souper, devait lui paraître la seule fin de l'homme ici-bas. Pour lui, le bonheur, c'était d'obtenir de belles récoltes. Le malheur, c'était d'avoir ses blés versés ou ses vignes gelées. Cependant, il avait ses distractions. La grand-messe, chaque dimanche, était presque une fête pour lui. Il en rapportait des petits morceaux du pain béni qui se distribue parcimonieusement, haché menu dans une grande corbeille, proprement entourée d'une serviette. Il prenait plaisir à voir sur la place, à la sortie, les groupes endimanchés. Il s'arrêtait devant quelques jeux de tourniquet ou s'émerveillait du casque emplumé d'un charlatan débitant son boniment du haut de sa voiture. Depuis plus d'un an déjà, les jeunes paysannes le lorgnaient du coin de l'œil et rougissaient jusqu'aux oreilles quand il leur adressait la parole, mais il était bien trop naïf pour s'en apercevoir. Après la messe, il accompagnait son père qui allait inspecter les travaux de la semaine où il obtenait la permission de tendre des pièges aux oiseaux. Chez lui, pas la moindre notion de la vie réelle, du monde, de la société, nulle idée des rapports des hommes entre eux, de la valeur de l'argent, à rien. Un peu effrayé de la vivacité de son intelligence, son père s'était ingénié à épaissir les ténèbres autour de sa pensée. Tel était exactement Norbert, quand un soir son père lui commanda de s'apprêter à le suivre le lendemain à Poitiers. Le duc de Chandos avait reçu la veille le prix d'une coupe et touché des fermages importants. Il s'agissait de placer cet argent car il ne laissait guère ses capitaux oisifs. S'il se faisait accompagner de son fils, c'est qu'il commençait à sentir l'impérieuse nécessité de l'initier au maniement de l'immense fortune qui lui laisserait à la charge de la tripler. Ils partirent de bon matin, dans une de ces petites charrettes suspendues qu'on rencontre sur toutes les routes du Poitou, véhicule incommode dont le siège mobile se balance à l'extrémité de quatre fortes courroies. Ils avaient sous leurs pieds près de 40 000 francs en argent, charge si lourde que les ressorts pliaient et qu'à toutes les côtes il fallait descendre pour soulager le cheval. Norbert était radieux. Il y avait plus d'un an qu'il brûlait de voir Poitiers, dont Chandos, cependant, n'est éloigné que de 5 lieues. Si souvent et si diversement il avait entendu parler de la tant belle ville, comme disait la vieille chanson huguenote, qu'il éprouvait comme une vague terreur à mesure qu'il en approchait. Poitiers n'est pas précisément la cité la plus gaie de France. Plus d'un étudiant de l'école de droit y bâille, soupirant lorsqu'il songe à Paris. Le pavé est détestable, les rues sont étroites et tortueuses, les maisons hautes et noires, semble dater de 10 siècles. Cependant, Norbert fut ébloui. Pendant que la charrette traversait la ville au pas, crainte d'accident, il crut voir aux devantures des boutiques toutes les merveilles des mille et une nuits. C'était jour de foire, et il était stupéfait du mouvement, étourdi du brouhaha de cette cohue. Peut-être ne s'imaginait-il pas que la terre eut tant d'habitants. Telle était sa préoccupation qu'il ne s'aperçut pas que le cheval s'arrêtait de lui-même devant une maison ornée des panonceaux d'un notaire. Son père dut le secouer comme s'il eût été endormi. « Nous sommes arrivés !» lui criait-il. Ils descendirent, mais la pensée de Norbert courait la ville. C'est machinalement qu'il aida à décharger les sacs. Il ne remarqua pas l'empressement presque respectueux du notaire à leur entrée. Il n'entendit pas un mot de l'interminable conversation qu'eurent son père et l'officier ministériel, cherchant ensemble l'emploi le plus avantageux des fonds. Enfin, le duc sortit de l'étude, emmenant son fils. Ils allèrent remiser charrette et cheval à une grande auberge près du champ de foire et déjeunèrent d'un morceau de lard et d'un verre de vin aigre sur un coin de la table de la salle commune entre des valets de charrue qui débattaient un marché et deux toucheurs de bœufs qui achevaient de se griser. Mais M. de Chandos n'était pas venu seulement pour son placement. Il comptait profiter de la foire pour chercher un meunier de Châtellerault, son débiteur depuis près d'un an. Le frugal repas terminé, il ordonna donc à son fils de l'attendre et s'éloigna. Norbert restait planté sur ses jambes devant l'auberge, un peu ému d'être abandonné au milieu de tant de gens inconnus, lorsqu'il se sentit frappé sur l'épaule. Il tressaillit, et se retournant brusquement, il se trouva en face d'un garçon de son âge qui lui dit en riant aux éclats « Eh bien, on ne reconnaît donc plus les amis ?» Il fallut à Norbert un moment pour remettre cet ami. Enfin il s'écria « Mon Louis !» Ce « Mon Louis !» fils d'un des métayers de M. de Chandos, était un camarade de Norbert. Souvent, autrefois, ils s'étaient entendus pour conduire leurs vaches au même pâtis, et ils avaient passé des journées à jouer ensemble, à faire tourner au cours d'eau des moulins de jonc ou à dénicher des oiseaux. Il n'y avait guère que 5 ans qu'ils s'étaient perdus de vue. L'hésitation première de Norbert était venue du costume de Mont-Louis. Ce garçon portait un habit à boutons de métal et un chapeau à haute forme. C'était l'uniforme du collège où il achevait sa seconde. Pendant que le grand seigneur s'efforçait de faire de son fils un paysan, le paysan prétendait faire du sien un monsieur. Norbert fut si choqué de la différence des vêtements qu'il ne trouva pas un mot. « Que fais-tu là ? » interrogea Mont-Louis. « J'attends mon père. »« Moi de même. Cependant, nous avons bien le temps de prendre une tasse de café ensemble. » Et sans attendre l'assentiment de son ancien camarade, il l'entraîna jusqu'à un petit estaminet à 50 pas de l'auberge. La supériorité de Mont-Louis était manifeste. Il en abusa. « Si le billard n'était pas retenu, dit-il, je te proposerais une partie. Il est vrai que cela coûte de l'argent, et ton père ne doit pas t'en donner beaucoup. » De sa vie, Norbert n'avait eu en sa possession seulement une pièce de 10 sous. Cette fois, il se sentit sérieusement humilié et devint cramoisi. « Mon père à moi, poursuivit le collégien, ne me refuse rien. Par exemple, je travaille énormément. Je suis sûr de 2 prix à la distribution. Quand je serai reçu bachelier, le comte de Mussidan me prendra pour secrétaire. J'irai à Paris, je m'amuserai. Et toi, que feras-tu ? Moi, je ne sais pas. Oh, on le sait, Tu pioches sur la terre comme ton père. Est-ce que cela t'amuse? Dire que tu es le fils d'un grand seigneur, de l'homme le plus riche du Poitou, et que tu n'es pas si heureux que moi, le fils de son fermier. Enfin. » Ils se séparèrent, et quand le duc de Chandos revint à l'auberge, il retrouva son fils à la place où il l'avait laissé, et n'aperçut rien en lui d'extraordinaire. « Allons, attelons, » lui dit-il. Leur tour à Chandos fut silencieux. La conversation de Montlouis était tombée dans l'esprit de Norbert, comme une goutte d'un poison subtil dans un vase d'eau pure. 20 paroles inconsidérées d'un enfant allaient détruire l'œuvre de 16 années de patience et d'obstination. De ce jour, une révolution complète s'opéra dans le caractère de Norbert, révolution dont personne ne surprit le secret. C'est au fond des campagnes que les diplomates devraient aller étudier la dissimulation. Cet adolescent, qui ignorait tout, savait du moins commander à son humeur. Jamais sa physionomie souriante ne trahit l'orage terrible qui grondait au fond de son cœur. C'est avec son entrain accoutumé qu'il remplissait sa tâche quotidienne, qu'il aimait autrefois et que maintenant il avait en horreur. Pour saisir un indice de ses pensées, il lui fallut le suivre, les pieds. Souvent alors, on l'eût vu, lorsqu'il se croyait seul, rester des heures entières immobile, appuyé sur le manche de sa beige, les sourcils foncés, réfléchissant, lui, jadis insoucieux autant que l'oiseau chantant dans les buissons. Éveillé par Montlouis, son intelligence était maintenant aux aguets, et il découvrait quantité de circonstances autrefois inaperçues et qui étaient pour lui autant de révélations. Par exemple, observant les relations de son père avec les paysans du voisinage, il mesura vite, en dépit de l'apparente familiarité, l'abîme qui les séparait. Ses égaux, il le comprit, il devait les chercher parmi les châtelains, qui l'été habitaient leurs terres et se rendaient le dimanche à l'église de Biveron. Le vieux comte de Mussidan, si imposant avec ses cheveux blancs, le marquis de Sauvebourg, si fier et que les campagnards saluaient jusqu'à terre, mettait un empressement marqué à tendre la main au duc de Chandos et à son fils. Autre signe. Les plus belles et les plus dédaigneuses dames de la noblesse, qui avaient une démarche de reine quand elles traversaient la place, balayant la poussière avec leur robe superbe, oui, les plus imposantes semblaient tout heureuses quand le duc de Chandos, qui, sous ses habits grossiers, gardait des façons de l'ancienne cour, leur baisait galamment la main. Tout cela devait éclairer Norbert. Il se sentit l'égal de ces gens si hautains. Quelle différence, cependant, entre eux et lui. Pendant que son père et lui se rendaient à la messe à pied, chaussés d'énormes souliers ferrés, les autres arrivaient dans des voitures superbes, traînées par des chevaux de prix, entourés de laquais magnifiques, prêts à obéir au moindre de leurs gestes. Pourquoi cette différence? D'où venait-elle? Ils savaient qu'elle ne venait pas de leur pauvreté à eux. Ils connaissaient assez la valeur de la terre pour savoir que son père était plus riche que tous ces gens dont il enviait le sort. Il fallait donc que tout ce qu'il entendait depuis qu'il ouvrait l'oreille et pénétrait les allusions fût vrai. Entre eux, les ouvriers de Chandos disaient que le duc était un vieil avare, et plutôt que de jouir de son or et de le distribuer aux pauvres, qu'il l'enterrait dans les souterrains du château. On assurait que toutes les nuits il se levait pour aller voir et adorer ses trésors. « Norbert est bien malheureux, » ajoutait-il, « d'avoir un père comme celui-là. Lui qui devrait avoir toutes les aises et tous les plaisirs de la vie, il est traité plus durement que nos enfants à nous qui n'avons rien. » Et d'autres, d'un ton de menace, murmuraient « Ah, si j'étais à sa place !» Les ouvriers n'étaient pas les seuls à le plaindre. Il se rappelait parfaitement qu'une fois, pendant que son père parlait avec le marquis de Sauvebourg, une vieille dame qui l'accompagnait, la marquise sans doute, avait arrêté sur lui des regards empreints de la plus tendre compassion. Même emportée sans doute par la violence de ses sentiments, elle avait ajouté « Pauvre enfant, il a perdu sa mère bien jeune. » Qu'est-ce que cela signifiait, sinon qu'on était pris de pitié en le voyant soumis au despotisme sans contrôle de cet homme qui était son père? Pour comble, tous ces heureux du monde étaient entourés de jeunes gens de son âge, leurs fils. Toutes les tortures de la jalousie le poignaient jusqu'aux larmes lorsqu'il se comparait à eux. Parfois, lorsqu'il revenait du labour, marchant devant les bœufs, l'aiguillon sur l'épaule, il se croisait avec quelqu'un d'entre eux monté sur un joli cheval. Dans ces rencontres, ceux qu'il connaissait lui criaient « Bonjour Norbert !» et ce salut amical lui paraissait insultant. Ces jeunes gens lui semblaient insolents comme le bonheur, il les haïssait. Quelle pouvait bien être leur existence à la ville où ils retournaient au premier froid, pendant que lui s'employait au semail? Comment s'écoulaient leurs heures oisives? Que faisaient-ils? Voilà ce qu'il ne pouvait imaginer, et son ignorance se perdait en conjectures absurdes. Ce que jusqu'alors il avait entendu appeler le plaisir ne représentait à son imagination rien qu'il enviât. Les compagnards appelaient s'amuser, allaient s'enfermer dans une salle d'auberge. Ils y buvaient des quantités énormes de vin, criaient, se disputaient et souvent à la fin se battaient. Les autres, ils le comprenaient fort bien, devaient avoir d'autres distractions bien plus raffinées, une gaieté toute différente que celle de l'ivrogne regagnant ce logis en chantant. Mais quoi ? Derrière ce désert tracé autour de lui par la volonté paternelle, il sentait s'agiter un monde, pour lui merveilleux comme l'inconnu. Que s'y passait-il ? Cela ne se devine pas. Mais qui y interroger ? À qui se confier ? C'est alors qu'il s'indigna de l'ignorance affreuse où on l'avait tenu, pendant que Montlouis, le fils du fermier, allait au collège. Et lui, que la vue seule d'une page imprimée faisait bâiller, qui avait besoin d'épeler tous les mots de plus de 3 syllabes, il se mit à la lecture avec acharnement. Mais cette passion ne pouvait convenir au duc de Chandos, qui un soir, à la veillée, lui déclara qu'il n'aimait pas les lisards. L'ardeur de Norbert s'en accrut, aiguillonnée par les obstacles et par des transes perpétuelles. Il se cacha. Il savait vaguement qu'une des salles hautes du château était pleine de livres. Il enfonça la porte et fut ébloui des richesses qu'il allait avoir à sa disposition. Il s'y trouvait bien 3000 volumes, dont 500 au moins de romans, qui avaient occupé la dernière année de la vie de sa mère. Norbert se jeta sur ses livres comme un affamé sur du pain. Il lut de tout, indistinctement, sans discernement, sans raison. À la longue, tout se confondait et se mêlait dans son cerveau, le roman et l'histoire, le passé et le présent. Cependant, de ce chaos, 2 idées nettes et distinctes se dégagèrent. Il s'estimait l'être le plus misérable de la terre, et il détestait son père. Oui, il le haïssait d'une haine froide, et avec toute la violence des convoitises inexprimables qui le brûlaient. Et s'il eût osé, mais il n'osait pas. Le duc de Chandos lui inspirait une invincible terreur. Depuis plus de 18 mois, cette situation se prolongeait, lorsque le duc de Chandos pensa que le moment était venu de révéler enfin ses pensées et ses espérances à ce fils qui devait être le continuateur de son œuvre de restauration. C'était un dimanche, après le souper dans la salle commune, dont il avait fait sortir tous les serviteurs. Jamais Norbert n'avait vu à son père cet air solennel. Il redressait sa haute taille courbée par le travail des champs. Tout l'orgueil de sa race qu'il dissimulait depuis des années éclatait dans ses yeux. Il lui apprit l'histoire de la maison de Chandos, dont l'origine se perd dans les légendes de nos annales. Il lui conta la vie de tous les héros qui l'ont illustrée. Il lui dit de quels honneurs elle avait été comblée, combien elle compte d'alliances souveraines, quelle était sa richesse et sa puissance au temps où les dompères de Chandos, véritables souverains, levaient des impôts, avaient des places fortes et une armée, et lassaient un cheval avant d'être sortis de leur domaine. « Voilà ce que nous avons été, » disait-il d'une voix forte. « Que nous reste-t-il de tant de splendeur ? Un hôtel à Paris, rue de Varennes, ce château, quelques terres, quelques maigres valeurs, 200 000 livres de rente au plus, pas 5 millions. » Norbert savait son père riche, mais non tant que cela. Ce chiffre prestigieux, 5 millions, le frappait de stupeur. Puis, en moins d'une seconde, 1000 pensées traversèrent son cerveau. 5 millions. Et on le condamnait à l'écrasant labeur de l'homme qui a besoin pour manger des 30 sous de sa journée. 200 000 livres de rente. Et cette salle commune où il était en ce moment avec son père ressemblait à l'unique pièce de la plus misérable chaumière. Ses aïeux avaient une armée de serviteurs et tous les gars du pays le tutoyaient. Comment accepter tant d'humiliation et une pareille pauvreté étant si noble, si riche ? Emporté hors de sa timidité accoutumée par un premier mouvement de rage, il se leva à demi pour reprocher à son père son avarice et sa cruauté. Mais ses forces trahirent son audace. Si forte était son émotion qu'il retomba sur son escabeau, sans avoir pu prononcer une parole, et fondant en larmes. Le duc de Chandos n'avait rien vu. À son exaltation, lorsqu'il disait les grandeurs de Chandos, avait succédé un profond accablement. Il marchait de long en long, dans la salle, d'un pas lourd, la tête inclinée sur sa poitrine. « C'est peu, » murmura-t-il, « bien peu. » « Bien peu. » Et Norbert savait que pas une des familles réputées riches dans la contrée ne possédait la moitié de cette somme énorme. Les Mucidans avaient-ils seulement 60 000 livres de rente? Les Sauvebourg, à coup sûr, n'en possédaient pas 100. Il y avait bien aux environs un certain monsieur de Puymadour, qu'on disait archimillionnaire, mais sa noblesse n'était rien moins qu'authentique, et de plus, il ne fallait pas, assurait-on, examiner de trop près son argent si on ne voulait pas y découvrir les taches de boue de l'origine. C'est avec une physionomie furieuse que Norbert suivait de l'œil son père, continuant sa promenade monotone et laissant échapper çà et là quelques inintelligibles exclamations. Il fallait à Norbert toute sa raison, toute l'énergie d'une conscience honnête, pour écarter les épouvantables pensées qui assiégeaient son esprit. À la fin, le duc de Chandos s'arrêta devant son fils. « Ma fortune n'est rien, » reprit-il d'un ton amer. « Non, rien, à une époque où triomphe le bourgeois enrichi, insolent et vaniteux. Ces gens-là, parce qu'ils ont acheté nos châteaux et mis un nom de terre au bout de leur nom ridicule, se croient nobles et s'exercent à copier non nos qualités mais nos vices. La vraie noblesse, faute d'avoir compris son époque, râle et finira par mourir de faim. On n'est plus là que par ou pour l'argent, pour lutter contre tous ces enrichidières, princes de finances dont le blason est un écu volé. Il faut un Chandos 1 million au moins de revenus. Vous l'entendez, mon fils, 1 million ? » Norbert ouvrait de grands yeux surpris. Malgré l'attention la plus soutenue, son intelligence ne pouvait suivre les explications de son père. « Ni vous ni moi, mon fils, poursuivait le duc, ne verrons dans nos coffres le capital d'un tel revenu, mais nos descendants, s'il plaît à Dieu, l'y trouveront. C'est par le courage et l'épée que nos aïeux ont fondé la puissance de notre maison, à nous de nous montrer dignes d'eux et de la consolider par les privations et le travail. » Le vieux gentilhomme s'interrompit, singulièrement ému de développer ainsi le sujet habituel de ses méditations. « J'ai fait mon devoir, » reprit-il d'un ton plus calme, « à vous de faire le vôtre. Je n'avais que 500 000 francs quand résolument je me mis à l'œuvre. Je viens de vous dire ce que j'ai maintenant. Vous m'imiterez. Vous épouserez quelque jeune fille riche qui vous donnera un fils que vous élèverez à la dure, comme je vous ai élevé. En vivant comme moi, vous devrez léguer à ce fils de 12 à 15 millions. » qui nous imite et laissera lui-même à ses fils une fortune royale. Voici ce qui doit être, ce qui sera, il le faut, je le veux. » Cette fois Norbert comprenait, et s'il se taisait, c'est qu'il était tout étourdi de cette confidence étrange. « C'est une pénible tâche que j'offre à votre dévouement, » continuait le duc, « mais c'est celle de tous les chefs d'illustres familles. Qui veut fonder une grande maison doit vivre dans l'avenir et non dans le présent, s'oublier pour ne songer qu'à sa postérité. » Certes. Il y a des moments où les instincts mauvais ou frivoles se réveillent et se révoltent. On les étouffe ou on les dompte en se représentant sans cesse la grandeur du but où on tend. Ainsi ai-je fait. C'est pour mes descendants, et par eux, pour ainsi dire, que j'existe. Je vis par la pensée de vie de splendeur qu'ils nous devront. En vérité, Norbert croyait rêver. Vous m'avez vu, poursuivait M. de Chandos, disputer des heures entières pour un misérable louis. C'est que je disais que ce louis, mes descendants, quelques jours, le jetterait noblement à un pauvre, du haut de leur carrosse. De tout ce que j'amasse, je fais ainsi emploi pour eux. L'an prochain, je vous conduirai à Paris, et vous visiterez l'hôtel que nous y avons. Là, vous verrez des tapisseries comme on n'en trouve plus, des meubles uniques, des chefs-d'œuvre des plus grands maîtres. Cet hôtel, je le garde, je le soigne, je l'embellis, comme l'amoureux le logis qu'il destine à sa fiancée. C'est que je le destine à nos enfants, Norbert, au don père de Chandos de l'avenir. » C'est avec l'accent du triomphe qu'il s'exprimait. Tout ce qu'il dépeignait, il le voyait réellement. « Si je vous ai parlé ainsi, » reprit-il d'un ton qui ne souffrait pas de réplique, « c'est que vous êtes en âge d'entendre la vérité. Je viens de vous dicter la règle de conduite de votre vie. Vous voici un homme, mon fils, et vous devez vous accoutumer à agir volontairement, comme vous avez agi jusqu'ici pour me complaire. J'ai dit, demain matin, vous chargerez 25 pochées de blé que j'ai vendu à la minoterie de Bivron. Vous pouvez vous retirer. » Norbert se retira en chancelant. Comme tous les despotes déshabitués de la contradiction, le terrible gentilhomme n'admettait pas que sa volonté pût être l'objet, non d'une résistance, mais seulement d'une hésitation. Il n'entrevoyait nul obstacle, et cependant, à ce moment même, Norbert se jurait avec d'horribles serments qu'il n'obéirait pas. Sa colère, contenue par la crainte, tant qu'il avait été sous les yeux de son père, éclatait enfin librement. Il avait gagné la grande allée des noyers qui est derrière le château, et là, marchant à grands pas, il jetait au vent de la nuit d'injurieuses menaces et des imprécations de rage. Il se voyait condamné et condamné sans appel. Tant qu'il avait cru son père un avare, il avait espéré. Les passions ont leur retour. Maintenant, malgré son inexpérience, il comprenait qu'on ne détruit pas des imaginations comme celle du duc de Chandos. « Mon père est fou » répéta-t-il. « Mon père est fou !» Tout ce qu'il avait entendu lui paraissait monstrueux et absurde. Certes, il était bien résolu, pour l'instant du moins, à se soustraire, à tout prix, à cette tyrannie insupportable. Mais comment? Par quels moyens? Que faire? Hélas, on ne trouve que trop aisément les mauvais conseillers. Norbert devait en rencontrer un, dès le lendemain, à Biveron, un certain Daumont, un ennemi du duc de Chandos.